السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Nous allons finir aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'étude de ce noble livre, فقه أسماء الله الحسنى, la compréhension des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, de l'auteur al-Sheikh Abdurrazzaq al-Badr ibn Abdul Muhsin hafidhahum Allah. فمن أسماء الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. Le dernier nom mentionné dans ce livre est ذو الجلال والإكرام. وقد ورد هذا الاسم في قوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقد جاء في السنة النبوية فضل الدعاء بهذا الاسم، ففي المسند عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألذ بالشيء يلذ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه، كذا في النهاية لابن الأثير رحمه الله. وفي المسند أيضا عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي، فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه الذي لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة، وأعظمه موقعا عند السؤال. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وهو من الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. Nous voici dans l'étude du dernier passage de ce livre. Et c'est l'étude du nom d'Allah Azza wa Jal, Dhul Jalali wal Ikram. Et une partie des savants ont comptabilisé, ont intégré les noms composés dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a mentionné Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, et sa parole est à venir. Donc, dans Sourate Ar-Rahman, Allah nous dit Tabarak asmu rabbika dhil jalali wal ikram. Dans le verset 78, béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Plein de majesté et de munificence. Également, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a la mention du mérite d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala par la mention de Dhul Jalali wal Ikram. En effet, dans le musnad de l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala, selon Rabi'a ibn Amir radiallahu anhu, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Alidhu biyadha al-jalali wal-ikram. Insistez donc dans vos invocations et dites régulièrement Ô dhal-jalali wal-ikram. C'est-à-dire Prononcez cela régulièrement, constamment, et dites très souvent, ces noms lors de vos invocations et de vos demandes. Ibn Athir, rahimahullah ta'ala, a expliqué ce terme, alidhu, en disant, c'est le fait de dire régulièrement, de rester constamment sur une chose et de la répéter. Également dans le musnad de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, selon Anas, j'étais assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la mosquée, tandis qu'un homme priait. À la fin, il invoqua, « Oh Allah, je te demande du fait que la louange t'appartient, qu'il n'y a point de divinité ni d'être adoré à part toi, le donateur, le créateur des cieux et de la terre, ô détenteur de la majesté et de la munificence, ô vivant, ô toi celui qui subsiste par lui-même mais sans lequel personne ne peut subsister. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il a invoqué Allah par son nom suprême, le nom par lequel il exauce quand on l'invoque, et donne quand on lui demande. Ainsi, c'est une demande et une supplication adressée à Allah, où on le loue comme étant la seule divinité, où on le loue car à lui revient la louange, et car c'est le seul digne d'être adoré, et car c'est le donateur. Ainsi, tu mentionnes ces noms d'Allah tabaraka wa ta'ala afin qu'il accepte sa demande. Tu prends en intermédiaire dans ton invocation entre toi et Allah la mention des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala, en plus de son unicité, le fait de faire ses éloges. Il n'y a pas plus digne que cette supplication pour être exaucée. Et il n'y a pas d'invocation qui ait plus d'effet auprès de celui qu'on sollicite. Nous avons aussi, dans le recueil de l'imam Muslim, le hadith de Thawban radiallahu anhu. Il nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam finissait sa prière, il disait à trois reprises, je te demande pardon Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Puis disait, Allahumma anta as-salam, wa minka as-salam, tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Ô Allah, tu es la paix, et de toi provient la paix. Béni sois-tu, ô détenteur de la majesté et de la munificence. Ainsi, il fait partie des noms annexés. Il fait partie des noms mis en annexion. Et un groupe parmi les savants les considère comme faisant partie des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a les noms comme Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, mais il y a également les noms qui sont composés et annexés, comme Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux des miséricordieux, comme Khayrul Ghafirin, le meilleur des pardonneurs, comme Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, comme Malik Yawmiddin, comme le maître du jour des comptes ou de la rétribution, comme Ahsanul Khaliqin, le meilleur des créateurs, et celui qui réunira les gens en un jour sur lequel il n'y a aucun doute, comme muqallibul qulub, comme celui qui bouleverse ou tourne les cœurs, wa ghayru dhalika mimma thabata fil kitab wa sunnati wa thabata fil du'a bi hadha bi ijma'il muslimin. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit dans Majmou' al-Fatawa, wa kadhalika asma'uhu al-mudhafa mithl أرحم الراحمين أو أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجمع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة وثبت في الدعاء بها أو ثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين. ابن تيمية رحمه الله تعالى mentionne donc des noms composés ou des noms auquel on a annexé un sens et nous dit que ceci fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa min al-asma'i dallati 'ala jumlati awsafin 'adidatin la 'ala ma'nan mufrad kama nabbaha 'ala dhalika ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala fi al-qawa'id al-muta'alliqa bi asma'i Allah al-husna allati saqaha fi kitabih بدائع الفوائد ذو الجلال والإكرام fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala dont la portée de sens est multiple. Ça ne fait pas référence à un seul attribut mais à une multitude, comme a attiré l'attention sur cela le grand savant Muhammad ibn Abi Bakr surnommé Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala dans des règles qu'il a mentionnées dans Bada'i' al-Fawaid, dans des règles relatives au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-idhafatu fi qawlih dhul-jalali wal-ikram hiya min babi idhafati sifatihi al-qa'imati bihi ilayhi subhanahu wa ta'ala ka qawlih dhul-rahmah wa dhul-quwah. L'annexion qui est mentionnée dans Dhul Jalal wa al-Ikram est l'annexion de l'attribut à celui qui en est décrit par celui-ci. Ça n'est pas, par exemple, l'annexion de la créature à son créateur. Non, c'est l'annexion de l'attribut à celui qui est décrit par cela. C'est l'annexion de l'attribut à celui qui est décrit par cela. À titre d'exemple, Dhur-Rahmah, le détenteur de la miséricorde. La miséricorde est l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui est décrit par cette miséricorde, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est un attribut qu'il a. C'est un attribut duquel il est doté, tabaraka wa ta'ala. Un autre exemple, Dhul Quwwah, le détenteur de la force. Al Quwwah est l'attribut d'Allah. Et ici, on a annexé cette Quwwah, cette force, à celui qui la possède, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فذو الجلال أو فالجلال والإكرام والرحمة وقوة كلها صفات لله عز وجل مختصة به دالة على عظمته وكماله سبحانه بخلاف قوله ذو العرش المجيد فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. Donc الجلال et الإكرام, la majesté, la munificence sont, ou également la miséricorde, la force, tous ces sens-là, tous ces points-là sont des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui lui sont spécifiques et qui nous indiquent sa grandeur, sa perfection. Contrairement à l'annexion faite dans Surat al-Buruj, Dhul Arsh al-Majid, le détenteur du trône, le détenteur du trône. Ici, Dhul Arsh n'est pas comme Dhul Jalali et Dhul Arsh n'est pas comme Dhul Rahmati. Dhul Jalal n'est pas comme Dhul Quwwati. Dhul Arsh, ici, c'est l'annexion de la créature à son créateur. Parmi l'ensemble des créatures, on mentionne une créature de manière spécifique. Quelle est la sagesse de cela? C'est d'en montrer sa particularité. d'en montrer sa noblesse, de montrer sa particularité, le fait qu'Allah Azza wa Jal ait élevé cette créature au-dessus d'autres. Donc elle arche, le trône, a une place spécifique d'entre l'ensemble des créatures. C'est la créature, par exemple, la plus grande. C'est la créature la plus sublime, la plus lourde. C'est le toit de l'univers. C'est le toit des créatures. Et Allah Azza wa Jal a décidé, après la création des cieux et de la terre, de s'élever tout particulièrement au-dessus du arsh. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Donc l'arsh, ici l'annexion qui est faite, c'est pas l'annexion de l'attribut à celui qui en est doté, mais c'est l'annexion de la créature à son créateur pour l'annoblir, montrer sa spécificité et sa noblesse. Dans le Coran, tu trouves également Naqatullah, la chamelle d'Allah. Toutes les chamelles de la terre sont les chamelles d'Allah, n'est-ce pas? Toutes les chamelles sont les chamelles d'Allah. Il est le créateur de toutes choses. Allahu khaliqu kulli shay. Mais la chamelle de Salih, on en a fait un signe et un miracle particulier. Un signe et un miracle particulier de la véracité de sa prophétie. Un signe manifeste d'Allah, de sa toute-puissance, de sa sagesse, de son unicité. De son unicité, de son droit exclusif à l'adoration. Donc on a annexé cette chamelle à Allah, c'est l'annexion de la créature à son créateur. À son créateur. وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ Abdullah, le serviteur d'Allah. Tous les serviteurs sur terre sont les serviteurs d'Allah. Tous les hommes sont les serviteurs d'Allah. Mais lorsqu'on parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit Abdullahi wa Rasuluh, le serviteur d'Allah et son messager. On a annexé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est une créature, à son créateur, pour montrer la particularité de ce serviteur parmi les autres serviteurs d'Allah azza wa jal. C'est que lui a concrétisé al-ubudiyya. C'est que lui, Allah l'a choisi, l'a élu et l'a mis au-dessus de l'ensemble des créatures. Et les exemples sont nombreux. Baytullah, la demeure d'Allah, pour parler des mosquées, pour parler du Masjidul Haram, et ainsi de suite. Donc, il faut que tu distingues entre al-idafa, allati hiya min bab idafati sifa ila al-mawsuf ka rahmatillah ka quwwatillah ka dhil jalal, et l'annexion de la créature à son créateur comme dhul arsh al-majid. Naam. Une question. Dhul arsh al-majid. Al-Majid, ici, fait référence à qui ou à quoi? Al-Majid. Naam. À Allah. C'est pour cela qu'on dit Dhul Arshil Majidou. En cours de Coran, lorsque tu mémorises ce verset, on te fait apprendre la terminaison. Parce que tu aurais tendance à dire Al-Majidi. Et à ce moment-là, ça reviendra à quoi? Au Arsh. Ça reviendrait au Arsh. C'est une bonne réponse. Néanmoins, sache que dans une lecture, c'est Al-Majidi. Car Al-Arsh également est décrit par Al-Majd. Et Al-Majd, c'est Sa'a wa Al-Azama. Al-Majd, c'est la vasteté, c'est la grandeur. Allah subhanahu wa ta'ala a cet attribut. Et lorsqu'il lui est attribué, il l'a à la perfection. Et Al-Arsh, on le décrit comme étant Majid. On le décrit comme étant Majid. Ceci étant dit, وَقَوْلِهِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ جَمْعٌ بَيْنَ نَوْعَيْنِ مِنَ الْوَصْفِ كَثِيرًا مَا يُقْرِنُ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُقْرَنُ بَيْنَهُمَا فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ كَقَوْلِهِ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. هذه في سورة هود. وقوله فإن ربي غني كريم، هذه في النمل. وقوله فإن الله كان عفوا قديرا، هذه في النساء. وقوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم في الممتحنة. وقوله وهو الغفور الودود في البروج. وهو كثير في القرآن. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratu Ar-Rahman, Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et de la munificence. Ici, c'est l'union de deux types d'attributs. C'est l'union de deux types d'attributs qui très souvent sont juxtaposés. On met ensemble dans le Coran, dans le noble Coran. Dans Suratu Hud, que la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur vous, Ya Ahl al-Bayt. Il est certes digne de louange et majid. Ici, il y a les noms d'Allah Azza wa Jalla, les attributs qui nous amène à son amour, qui nous pousse vers, qui nous dirige vers ses attributs, qui développent dans le cœur du serviteur l'amour de son Seigneur. Et le deuxième type, avec le nom d'Allah, Majid, ce sont les attributs qui vont nous pousser à la crainte d'Allah, à ressentir de sa grandeur, de sa domination, de sa maîtrise, subhanahu wa ta'ala. Pareillement, dans Surat An-Naml, certes, mon Seigneur est riche et noble. Donc, Karim, c'est un attribut, ou c'est un nom, qui a Sifatul Karam, et c'est un attribut, Al-Karam, qui réunit les perfections. C'est pas un nom qui nous indique un seul attribut, mais une multitude d'attributs de perfection. Ainsi, pour la traduction, tu pourrais dire noble, mais en réalité, c'est bien plus fort que cela, comme lorsqu'on a étudié ce nom-là, Al-Karim. C'est que ça fait référence aux attributs de perfection. Dans Surat Al-Nisa, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا. Certes, Allah est grand pardonneur et parfaitement omnipotent. Lorsque tu entends qu'Allah est afou, celui qui efface, il est absoluteur, plus précisément, ça te pousse à aimer Allah. Ça te pousse à espérer le pardon d'Allah. Ça te pousse à délaisser les péchés, à revenir vers lui. Ça développe cela dans ton cœur. Et lorsque tu lis Qadiran, ça te pousse à ressentir la domination d'Allah. La toute-puissance d'Allah, ça développe en toi la crainte, la peur, la soumission. Et très souvent, on te joint entre ces deux types d'attributs. Ainsi, le serviteur est constamment entre l'espoir et la crainte. Entre l'espoir et la crainte. On te dit qu'Allah est afou, absoluteur, il efface les fautes, il efface les péchés. Il ne te châtie pas. En conséquence, et il t'efface même les conséquences, les effets qui sont les conséquences du péché. Et à côté de ça, on te dit qu'il est qadir, que ce pardon accordé, que cette absolution donnée n'est pas le fruit d'un seigneur faible qui n'est pas capable de punir celui qui le mérite. Non, mais de la perfection, de par la perfection de son absolution pour les fautes, de par son amour du pardon, Allah Azza wa Jal pardonne et absout les fautes du serviteur. Et l'excellence du pardon accordé, et le pardon que tu accordes lorsque tu as pleinement la capacité de te venger et de punir la personne. N'est-ce pas? Le pardon accordé par le faible, parce qu'il ne peut pas se défendre et se venger, n'est pas un pardon qui pèse, parce qu'il n'a pas le choix. Voyez-vous? la tribu forte et qui a en son sein beaucoup d'hommes et beaucoup d'armes, qui vient agresser une petite tribu, qui vient agresser une petite tribu. Et au final, la petite tribu dit, on leur a pardonné. Au final, la petite tribu dit, on leur a pardonné. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de se défendre, ni de se venger. Est-ce que ce pardon accordé, c'est un pardon noble? C'est un pardon louable? Non, c'est une faiblesse, il n'a pas le choix. Par contre, lorsque le fort, celui qui a gagné la bataille, lorsque le dirigeant, lorsque celui qui a l'autorité, excuse le faible fautif, alors qu'il est devant lui et qu'il peut lui mettre la sentence, malgré ça, il l'excuse et il passe sur sa faute, là, tout le monde reconnaîtra sa force. Tout le monde reconnaîtra sa noblesse. Et à l'époque de l'Ma'moun, rahimahullah ta'ala, il y a un homme qui s'est rebellé. Et lui, il a placé un homme en, comme on pourrait dire aujourd'hui, en préfet dans une région. Il lui a donné la richesse, il lui a donné les hommes, il lui a donné du pouvoir, et il l'a délégué dans une contrée. Et il lui a dit, tu vas gouverner sous mon ordre et sous mon nom. Qu'a fait cet homme-là? Plus tard, il s'est rebellé. Il a pris le pouvoir pour lui, subhanallah, et il est sorti de son commandement. Et ça, c'est un péché gravissime en islam. Le fait de se révolter contre les gouverneurs et de leur disputer le pouvoir. Alors, on a mis sa tête à prix. Et un jour, on l'a capturé. Et on l'a amené pour être jugé. Il lui a dit, que penses-tu que je vais faire de toi? Il était dans une colère, il y a une grande colère. Il lui a dit, que penses-tu que je vais faire de toi? L'homme lui a répondu avec des vers de poésie que je ne mémorise pas, dont le sens général est, si tu me châties. Il dit, je vois la lueur de l'épée sur mon visage. Il dit, je vois la lueur de l'épée sur mon visage. Et je vois la mort plus proche de moi que mon ombre. Je vois la mort plus proche de moi que ma propre ombre. Et je pense pas que je vais passer un jour de plus et que mon destin est très proche de moi. Il dit, c'est ça que je vois. N'eût été la grande miséricorde que tu as. Et certes, si tu me tues moi pour ce péché-là, alors beaucoup d'autres avant toi auront tué des semblables à moi. C'est-à-dire je suis un gros pécheur, un grand fautif et je mérite cette sentence-là. Et si tu la mets à exécution, ça ne sera rien d'exceptionnel. Avant toi, certains ont fait à pareil que moi. Par contre, et c'est là où je veux en venir, par contre, si tu me pardonnes, alors rares sont ceux comme toi qui ont pardonné à ceux comme moi. Yani astartifu, il développe sa rahma, sa mansuétude et son pardon. Il lui dit par contre, rares sont les gens comme toi qui auront passé sur la faute de gens comme moi. Et le gouverneur a demandé conseil à ceux qui étaient, yani il a consulté ceux qui étaient autour de lui. Et ils ont tous dit, tue-le. Sauf un qui lui a dit, si tu le tues, alors beaucoup auront fait la même chose. Par contre, si tu lui pardonnes, alors là, ta renommée sera énorme. Il lui a pardonné. Non ? Il lui a pardonné. Et il l'a honoré encore plus par la suite. Encore plus par la suite. Là, ça a été noté dans l'histoire. Là, ça a été noté dans l'histoire. Parce que c'est un gouverneur fort qui accorde son pardon à un faible entre ses mains après qu'il eut commis des fautes gravissimes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a conquis la Mecque, il leur a dit, que pensez-vous que je vais faire de vous? Ce sont des gens qui l'ont banni, qui lui ont fait du mal, qui ont assassiné certains de ses compagnons, qui ont pillé les richesses, qui ont commis beaucoup de crimes et de délits. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a pardonné. Youssouf alayhi salam, après avoir eu ce grand poste et cette grande place, qu'est-ce qu'il a dit à ses frères ? La tathriba alaykum al-yawm, yaghfirullahu lakum. Alors qu'il était en position de force, alors qu'il a subi et était séparé de son père, de sa mère, et ainsi de suite. Mais c'est là que le pardon prend toute sa splendeur. Accorder son pardon quand tu es en position de force. Quand tu es en position de force. Allah subhanahu wa ta'ala a l'excellence de la domination, de la force et de l'omnipotence. Et avec cela, il accorde son pardon. C'est donc le meilleur pardon. C'est donc le pardon le plus complet et le plus parfait, subhanahu wa ta'ala. Comme ont dit les savants, on a donc juxtaposé entre ces différents noms. Dans le Mumtahina, Wallahu Qadir, Allah est parfaitement omnipotent, Wallahu Ghafur Rahim, Allah est pardonneur et très miséricordieux. À nouveau ici, on nous mentionne un nom d'Allah qui va développer la crainte, la peur, mais aussi deux noms d'Allah qui vont développer l'espoir, le désir, la miséricorde et ainsi de suite. Et pour finir dans Surat al-Buruj, Wallahu Ghafurun wa huwa al-Ghafur al-Wadud, et c'est lui le pardonneur et l'affectueux, celui qui aime ses serviteurs et qui est aimé de ses serviteurs. Et dans Surat al-Buruj, il y a la plus belle manifestation de cela. Allah Azza wa Jal nous parle des gens du fossé, n'est-ce pas ? إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Allah nous parle de ceux qui ont fait des tranchées, qui ont creusé, qui ont allumé un feu ardent, puis qui ont brûlé les croyants. Après les avoir contraints à sortir de leur religion, ils les ont brûlés. Vifs, subhanallah, hommes et femmes, enfants et nouveau-nés. Malgré tout cela, Allah Azza wa Jal dit « Thumma lam yatoub » Ceux qui ont tenté dans leur religion, les croyants et les croyantes, puis ne se sont pas repentis. En d'autres termes, s'ils se repentent, Allah leur pardonne, malgré la gravité de leur péché. « Falahum azabu jahannam » Ils auront le châtiment du feu. « Walahum azabu al-hariq » Tout cela, s'ils ne se repentent pas. Allahu Akbar. Allahu Akbar, comme on dit le pieux prédécesseur, subhanallah, ils ont châtié les alliés d'Allah, ils les ont brûlés. Allah dit, thumma lam yatubu, à condition qu'ils ne se repentent pas. Donc Allah est Qadir, mais Allah est Ghafur Rahim. Et on nous mentionne le nom d'Allah, El-Wadud. Ibn Sa'di, rahimahullahu ta'ala, nous dit que le grand pécheur, s'il se repent et revient vers Allah, Allah Azza wa Jal est wadoud, c'est-à-dire que malgré les fautes gravissimes qu'il a commis, s'il s'en sépare et se repent et revient vers Allah, Allah est wadoud envers lui. Allah l'aimera malgré son passé. Allahu Akbar. Wa huwa kathirun fil Qur'an. Et cela se répète très souvent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أثناء كلام له عن اسمي الحميد والحميد المجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله وأما المجد فهو المستلزم للعظمة والسعة والجلال والحمد يدل على صفات الإكرام والله سبحانه ذو الجلال والإكرام وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر فلا إله إلا الله دال على الألوهية على ألوهية وتفرده فيها وألوهيته فألوهيته مستلزم محبته التامة والله أكبر دال على مجده وعظمته وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا. Dans جلاء الأفهام, Ibn al-Qayyim رحمه الله تعالى nous dit dans un passage dans lequel il parle des deux noms d'Allah, Al-Hamid et Al-Majid. Al-Hamid, c'est le digne de louange. Celui dont on mentionne les perfections avec amour et vénération. Al-Majid, c'est l'immense. Et il nous dit que toutes les perfections reviennent à ces deux noms. Toutes les perfections reviennent à ces deux noms. Quant à Al-Majd, l'attribut de Al-Majd, tout ce qui est la grandeur, de cela, on tire la grandeur d'Allah, la vasteté, la majesté. Quant à l'attribut de Al-Hamd, la louange, ça nous montre qu'Allah a tous les attributs de perfection. Et si on revient à l'étude, à notre étude ici, c'est Zul Jalal wal Ikram. Ainsi, Zul Jalal wal Ikram unit ces deux notions-là. Unit ces deux notions-là. Wallahu subhana Zul Jalal wal Ikram. Et Allah est le détenteur de la majesté et également de la munificence. Et c'est le sens de la parole du serviteur lorsqu'il dit La ilaha illallah. D'un côté, et Allahu Akbar de l'autre. Quand il dit La ilaha illallah, ça nous indique l'unicité d'Allah dans la divinité. C'est le seul qui mérite d'être adoré. Et cette unicité dans l'adoration, de celle-ci découle forcément qu'on aime Allah au plus haut point, d'un amour adoration, et qu'on lui accorde cet amour-là à lui, seul, uniquement, sans associé. Quant au deuxième terme, Wallahu Akbar, à la deuxième parole, ça nous montre quoi? Ça nous montre Al-Majd wal-Azama. Ça nous montre l'immensité d'Allah, sa grandeur, le fait qu'il soit le plus grand. Quand tu dis Allahu Akbar, ce qui est sous-entendu Allahu Akbar min kulli shay. Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand dans sa seigneurie. C'est le seul créateur, le seul maître. Le seul propriétaire de tout l'univers est le seul gérant. Ce qu'il veut se réalise, ce qu'il ne veut pas se réalise. Allahu Akbar dans l'Uluhiyya, c'est le seul qui est digne d'être adoré. Tout ce qui adore en dehors d'Allah l'est faussement et injustement et vainement. Allahu Akbar dans ses noms et ses attributs, il a la perfection absolue. Il a la perfection absolue. Il n'est pas sujet à l'imperfection. Il n'est pas sujet aux défauts. Il n'a pas atteint la perfection après avoir eu un manquement ou une imperfection. Non, il a toujours eu la perfection absolue, subhanahu wa ta'ala. Mais ce sont les serviteurs qui découvrent de la perfection d'Allah. Plus ils lisent le Coran, le méditent, plus ils lisent la sunnah et l'étudient. Plus Allah leur ouvre les portes de la science, wa huwal fattah al-alim. Allahu akbar fi hukmihi, dans son jugement. Allah est juste, Allah est sage, Allah nous a légiféré ce qui est bon pour nous, et il n'y a pas meilleur qu'Allah en matière de jugement. Allahu Akbar fi qadarihi wa taqdirihi. Allah est le plus grand en matière d'estimation, bien de décret. Allahu Akbar, Allah est plus grand que tout. Allah est plus grand que tout. Et Allahu Akbar dans le cœur des croyants, il n'y a rien qui prenne plus de place dans le cœur de croyants qu'Allah. Dans le cœur des croyants qu'Allah, Allahu Akbar, l'entièreté du cœur est pour Allah subhanahu wa ta'ala. La vie du serviteur est pour Allah. La mort du serviteur est pour Allah. L'ensemble de ses adorations est pour Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah. Wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dis en réalité ma prière, mes sacrifices, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes. Nul associé à lui dans cela. Voici ce qui m'a été commandé et je suis le premier à me soumettre. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait da'wah à un compagnon, probablement Adi, « Ya Adi, qu'est-ce qui te fait fuir de dire « La ilaha illallah » et connais-tu plus grand qu'Allah ?» jusqu'à la fin du hadith. Fallahu Akbar. Ça nous indique quoi? La domination suprême d'Allah, son élévation absolue, sa domination parfaite, sa gérance, face à laquelle on ne peut repousser son commandement et sa décision. Ainsi le serviteur immensifie au plus haut point son Seigneur. Le serviteur vénère son Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cette raison que très souvent dans le Coran et la Sunna, tu trouves qu'on a juxtaposé entre les noms qui font référence à la perfection d'Allah Azza wa Jal et les noms qui font référence à la domination d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et sa grandeur. فالجلال يتضمن التعظيم والإكرام يتضمن الحمد والمحب. En résumé, notez cette phrase. Al-Jalal, la majesté, comprend l'immensification, la vénération, la considération suprême. Quand tu entends les noms qui te montrent la grandeur d'Allah, ça suscite quoi en toi? La soumission face à la grandeur d'Allah. Le fait d'immensifier Allah, de considérer Allah au plus haut point. Ça c'est la première chose, c'est dans Al-Jalal. Quant à Al-Ikram, ça comprend quoi? Les éloges d'Allah et son amour. Ça comprend le fait que tu vas mentionner la perfection d'Allah. Et le cœur naturellement penche et aime celui qui est parfait. Donc si tu réunis entre ces deux noms-là, tu vas concrétiser cette aqida qui est le fait d'attester de la perfection d'Allah Azza wa Jal de ces deux points de vue. Je répète, فَالْجَلَالُ يَتَضَمَّنُ التَّعْظِيمُ وَالْإِكْرَامُ يَتَضَمَّنُ الْحَمْدَ وَالْمَحَبَّةِ. الْجَلَالُ, la majesté, comprend l'immensification et la vénération. الْإِكْرَامُ comprend la louange, les éloges et l'amour. قَالَ الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي بَيَانِ الْمَعَانِ الَّتِي يَحْتَمِلُهَا هَذَا الْإِسْمُ. الْخَطَّابِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى a mentionné dans un passage où il explique les portées que peuvent avoir ce nom-là, Dhul Jalal wal Ikram. Il dit que ça peut avoir comme sens premièrement أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم فلا يجحد ولا يكفر به. Le premier sens est qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite de la part de ses serviteurs qu'il l'immensifie, qu'il le vénère, ne le renie point et ne mécroit pas en lui. وقد يحتمل أن يكون المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم بالتوفيق لطاعته في الدنيا ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. Le deuxième sens serait, donc ça comprend quoi comme sens? Le fait qu'Allah Azza wa Jal, lui, va honorer ses serviteurs proches, rapprochés et bien-aimés. Il va les honorer. Il va les honorer et élever leur degré en leur accordant la réussite dans son obéissance. Et ça, c'est dans ce bas-monde. Comment est-ce qu'Allah les honore? Comment est-ce qu'Allah t'honore? Allahu Akbar. Notez ce sens-là, subtil. Allah honore son serviteur en lui accordant la réussite, en le guidant, en lui permettant de lui obéir. Si Allah t'aime, il t'accorde la réussite. C'est quoi la réussite? C'est qu'il te permette d'être son serviteur obéissant. Obéir à Allah, c'est un honneur. C'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Si Allah t'aime, il te permet de lui obéir. Si Allah le veut, il t'honore. Comment est-ce qu'Allah t'honore? Il te permet de te soumettre à lui. Il te permet de poser ton front devant lui. Il te permet de marcher pas à pas vers sa demeure, sa mosquée. Il te permet de te tenir debout devant lui dans la salat. Il te permet, subhanahu wa ta'ala, de jeûner pour lui. Fi sabilillah. Il te permet de prendre de ton argent aimé, qui t'est cher, et de le dépenser pour sa cause. Ce n'est pas donné à tout le monde, c'est un honneur. C'est un honneur. Wallahi al-azim, certaines personnes, on les conseille. Salli, prie, prie, ya akhi, prie. Ama tuhibbullah, n'aimes-tu pas Allah? Ne crois-tu pas au paradis, à l'enfer? Il te dit, si, j'aime Allah, bien sûr j'aime Allah. Tu lui dis, prie, il te dit plus tard. Je suis pas propre, je suis sale, faut que j'ai pas pris ma douche. Hein? Qu'est-ce qu'ils disent encore? J'ai beaucoup de péchés. Subhanallah, t'es sale, on te dit lave-toi, tu dis non, je suis sale. Justement, comme t'es sale, lave-toi. Comme t'es sale, lave-toi. Comme t'es sale, fais la prière. La prière efface les péchés, la prière purifie l'âme, le cœur, le corps. Avec la prière, avant même la prière avec l'udhu, et l'udhu seulement, c'est comme s'il y avait une rivière qui passait devant ta porte. Comme a dit le prophète, alayhi salatu wasalam, 5 fois par jour tu te laves dedans. Est-ce qu'il va rester des impuretés? Non. Après cette purification, tu entres chez Allah Azza wa Jal, maintenant que tu es propre. Tu entres chez Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu es sur le pas de la porte et tu frappes à la porte. Et tu demandes à Allah le maître, Dhul Jalali wal Ikram, de t'accepter. Si Allah t'accepte, si Allah te permet de lui obéir, faqad akramak, faqad a'azza qadrak, faqad ahabbak, c'est qu'Allah t'a honoré, c'est qu'Allah t'a aimé, c'est qu'Allah t'a élevé, c'est qu'Allah a élevé ta renommée fi dunya pour mieux te donner encore dans l'au-delà. Subhanallah, al-wadud, al-shakur, al-rahim, al-jamil. On retient ces sens-là. C'est un trésor de science. Le fait de savoir que Allah t'honore en te permettant de lui obéir. Dès que l'obéissance d'Allah est lourde, c'est l'alarme qui est sonnée. C'est l'alarme. Tu dois vite courir vers Allah, demander pardon, parce qu'il y a une chose entre toi et Allah qui s'est produite. Il y a un rempart entre toi et Allah, il y a un voile. L'adoration n'était plus facile, tu n'as plus le goût. C'est qu'il y a eu une catastrophe entre toi et Allah. Il y a eu le péché. Il y a eu l'insouciance. Il y a eu le fait d'opprimer ses serviteurs. Il y a forcément eu quelque chose. Parce qu'Allah ne change pas le bienfait de son serviteur et ne lui enlève pas, sauf quand ce dernier n'est plus apte à le recevoir. Allah l'a honoré, lui il n'a pas voulu être honoré. Celui qu'Allah honore, personne ne pourra l'avilir. Mais celui qu'Allah avilit, personne ne pourra l'honorer. وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُمْ مِنْ مُكْرِمٍ. Celui qu'Allah avilit, personne ne peut l'honorer. Chacun doit ressentir cela en lui. Quand il est lourd pour l'adoration, et quand il se lève l'âme dans un bonheur profond. Comme si son âme s'était levée avant lui pour la salat. Comme s'il manquait à cette âme-là sa part de subsistance pour tenir en matière d'adoration. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala passait de longs instants à mentionner Allah, à faire du zikr. Et quand Ibn Qayyim venait le visiter au autre, il lui disait, tu fais cela autant. Il disait, hada quti, ça c'est ma subsistance. Ça c'est mes nutriments, sans ça mon corps ne tient pas. Zikrullah, sans ça le corps ne tient pas. Ne tient pas dans la vraie vie. Quant à la vie bestiale et animale, il suffit juste de lui donner à boire et à manger. Mais la vraie vie à laquelle Allah nous appelle, celle pour laquelle il nous a créé et révélé les livres, envoyé les messagers, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Celle vers laquelle tu avances à grands pas vers Allah et ton acheminement se fait rapidement vers Allah et la demeure dernière. Allah, dans ce bas monde, les honore en leur permettant de lui obéir. La meilleure place et le meilleur rang que tu peux obtenir dans ce bas monde, c'est d'être un abdun lillah. La meilleure place, abdullah. c'est d'être le serviteur d'Allah. Les noms les plus aimés inchallah, c'est pour ça, c'est Abdullah ibn Rahman. Abdullah ibn Rahman. Naam. Et dans les stations les plus élogieuses dans le Coran du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Abdullah. Dans l'Isra, Subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila masjid al-aqsa. Dans la da'wa, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u. Dans la da'wa, on l'appelait Abdullah. Dans la révélation et dans d'autres stations. Parce que c'est le meilleur niveau d'être un Abdullah. D'être abaissé. Le moment le plus proche du serviteur avec son Seigneur, c'est quand? Hein? Wa huwa sajid. C'est quand il est en sujoud. Pourquoi? C'est le moment où il est le plus avili, le plus rabaissé. C'est là où il concrétise vraiment ce sens-là de serviteur d'Allah. Et il fut dit que Abu Talib a dit, je sais que mon neveu est sur la vérité, je sais que l'islam c'est la vérité. Mais que mon front soit en dessous de mon postérieur, c'est pas possible. Il n'a pas voulu rentrer dans l'uboudiyya. Dans l'istislam, lillahi rabbil alamin, wahda. Ils ont refusé le tawhid. Par contre, nous, les musulmans, al-muahidoun, al-muslimoun, al-mu'minoun, al-muahidoun, on pose notre front par terre, même si c'est dehors, même s'il a plu, même s'il a neigé, même s'il a de la pluie et de l'eau sur le sol. On n'a aucune gêne à poser notre front qu'Allah nous a créé sur le sol qu'Allah nous a aplani. On n'a aucun problème dans cela. On n'a aucun problème. Parce qu'on est soumis à un maître. On est soumis à Allah. Et ça nous suffit en honneur que ce front-là se prosterne pour se mettre. Dhul Jalali wal Ikram. Parmi l'honneur qu'Allah leur donne, le fait qu'il les élève en acceptant leurs œuvres. Allah accepte de toi. C'est pas de n'importe qui qu'Allah accepte. Allah t'honore en acceptant de toi l'action. Alors qu'il mérite mieux et alors que l'action n'est pas assez bien faite. Mais Allah l'accepte parce que c'est chakour. Troisièmement, Allah t'honore en t'élevant en degré au paradis. Voici le deuxième sens. Al-Khattabi dit, soit c'est le premier sens, soit c'est le deuxième sens. Puis il nous dit, وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْجَلَالِ مُضَافًا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِمَعْنَى الصِّفَةِ لَهُ وَالْآخَرُ مُضَافًا إِلَى الْعَبْدِ بِمَعْنَى الْفِعْلِ مِنْهُ. Il dit, et c'est possible que le premier fasse référence à l'attribut d'Allah Azza wa Jal. Donc la majesté soit annexée à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son attribut. Et le deuxième soit annexé au serviteur, c'est son action envers Allah. Son action, c'est l'action du serviteur. Comme on le trouve dans Surat al-Muddathir, huwa ahlu taqwa wa ahlu al-maghfira. Ahlu taqwa, c'est l'action de qui envers qui? Du serviteur envers son créateur. Il craint Allah en délaissant sa désobéissance et en faisant ce qu'il lui a commis avec espoir et crainte, n'est-ce pas? C'est l'œuvre du serviteur pour son Seigneur, et taqwa. Wa ahlul maghfira, c'est l'œuvre de qui pour qui? Qui donne le pardon? C'est Allah. Ahlul maghfira, c'est Allah. Donc on peut joindre les deux des fois. Une part pour le serviteur, comme El Taqwa ici. Une part pour le Seigneur, comme El Marvira ici. فَانْصَرَفَ أَحَدُ الْأَمْرَيْنِ وَهُوَ الْمَغْفِرَةُ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالْآخَرُ إِلَى الْعِبَادِ وَهُوَ التَّقْوَى. Ainsi, El Marvira est pour Allah. Et d'Allah pour les serviteurs. Et El Taqwa, c'est des serviteurs envers Allah. نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية a mentionné ces trois éventualités. Puis a dit, القول الأول أقربها إلى المراد. C'est que la première parole est la plus proche de ce qui est voulu. Est la plus proche de ce qui est voulu. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui mérite de ses serviteurs qu'il le considère, qu'il le vénère, qu'il l'immensifie, qu'il le reconnaisse, qu'il croit en lui, ne mécroit pas en lui. ثم قال puis il dit وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لازم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك. Écoutez cette noble corrélation faite par ce grand savant Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et si Allah Azza wa Jal, et il en est ainsi, mérite la considération, la majesté, mérite qu'on fasse ses éloges, qu'on mentionne sa perfection, découle, ou bien cela implique forcément qu'il soit doté des attributs qui amènent cela. Si on dit que tu dois respecter Allah, vénérer Allah, immensifier Allah, faire les éloges d'Allah, proclamer la perfection d'Allah, c'est qu'Allah a les noms et les attributs qui t'ont emmené à faire ça. Donc, Allah est parfait. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait dans ses noms, est parfait dans ses attributs, est parfait dans son essence, est parfait dans ses actions subhanahu wa ta'ala. كما إذا قال الإله والمستحق لأن يؤله أي يعبد كان هو في نفسه مستحقا لما يجيب ذلك. Tout comme lorsque tu dis al-ilah, la divinité, et celui qui mérite de ses serviteurs qu'il l'adore, qu'il se dirige vers lui avec amour et vénération, qu'il l'adore. Ben si tu dis qu'Allah est celui qui mérite de la part de serviteurs qu'il l'adore, c'est qu'il a les attributs pour cela. C'est-à-dire qu'il est parfait. Il est parfait. وَإِذَا قِيلَ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى. Et lorsque, et si nous disons qu'il est celui qui mérite de ses serviteurs qu'il le craignent, كَانَ هُوَ فِي نَفْسِ مُتَّصْفًا بِمَا يُجِبُوا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُتَّقَى. Si nous disons qu'Allah Azza wa Jal mérite de ses serviteurs qu'il le craignent, c'est qu'il a comme attribut ce qui implique cela. Ce qui implique cela. Par exemple, il entend tout. Il voit tout. Par exemple, il va rester les serviteurs et les juger. S'il veut une chose, elle se produit. S'il ne veut pas la chose, elle ne se produit pas. Donc on va avoir peur d'Allah Azza wa Jal. On sait qu'il nous voit, on sait qu'il nous entend. On sait que tout est inscrit, qu'on va mourir, revenir vers lui. Il va nous ressusciter, il donne la vie et met la mort. Puis il nous ressuscite. C'est le seul qui peut faire entrer au paradis, le seul qui peut mettre en enfer. Donc on va avoir peur de lui, on va le craindre. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينه وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم أي هو المستحق ومستحق لأن يثنى عليه وتمجد نفسه. Dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se relevait du ruku', il disait sallallahu alayhi wa sallam: ô notre Seigneur, à toi la louange, autant que les cieux et la terre puissent contenir, autant que l'espace qui les sépare puisse contenir, et autant que puisse contenir tout ce que tu désires. Ensuite, tu es digne d'éloge et de majesté. Ce sont les paroles les plus véridiques que les fidèles puissent exprimer. Et nous sommes tous tes serviteurs, ô Allah, nul ne peut retenir ce que tu donnes et nul ne peut accorder ce que tu retiens. La fortune Le détenteur de la fortune ou du haut rang, tout cela ne lui servirait à rien auprès de toi. En d'autres termes, il mérite qu'on fasse son éloge et qu'on le loue. Allah Azza wa Jal est celui qui mérite qu'on fasse ses éloges et mérite qu'on ne cesse de le mentionner par les attributs de perfection. والعباد لا يحصون ثناء عليه وهو كما ثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجل وأن يكرم وهو سبحانه جل يجل يجل نفسه ويكرم نفسه والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. Les serviteurs sont incapables d'embrasser de leur science et de dénombrer tout ce qu'Allah mérite comme louange. Les serviteurs sont incapables de faire une liste exhaustive de ce que Allah mérite comme louange et comme éloge. La yuhsuna thana'an 'alayhi. Ils ne peuvent faire les éloges d'Allah comme ils le méritent. Il est comme il s'est décrit lui-même. Également, Allah Azza wa Jal mérite de ses serviteurs d'être vénérés et révérés. Et le Seigneur a fait sa propre vénération et sa propre exaltation. Quant aux croyants, eux, ils ne sont pas capables de le vénérer, de l'exalter comme ils le méritent. والإجلال من جنس التعظيم والإكرام من جنس الحب والحمد وهذا كقوله له الملك وله الحمد فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد ثم قال قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وهو في مصحف أهل الشام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام وهو قراءة ابن عامر فالاسم نفسه يذوى بالإجلال أو بالجلال والإكرام وفي سائر المصاحف في قراءة الجمهور ذي الجلال فيكون المسمى نفسه وفي الأول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فالمذوى وجهه سبحانه وذلك يستلزم أنه ذو الجلال والإكرام فإنه إذا كان وجهه ذو الجلال والإكرام كان هذا تنبيها كما أن اسمه إذا كان ذا الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجل ويكرم. الإجلال, la vénération s'apparente à l'exaltation, tandis que la révérence relève de l'amour et de la louange. Al-Ijlal renferme l'essence de l'immensification et de la vénération. Quant à l'Ikram, ça renferme l'essence de l'amour et de la louange. Comme la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surah At-Taghabun, à lui la royauté et à lui la louange. Donc, il a la majesté, il a... où l'exaltation et la royauté, la révérence et la louange lui appartiennent. Comme on l'affirme dans les versets de Sourate Ar-Rahman, au verset 27 puis 78, « Seule la face de ton Seigneur pleine de majesté et de gloire subsistera ou restera. Et sa parole, « Tabaraka smu rabbika dhil jalali wal ikram » Béni soit donc le nom de ton Seigneur plein de majesté et de munificence. Puis l'auteur nous mentionne les différentes lectures avec « dhu » et avec « dhi ». Dans le mushaf des gens du Sham, « dhu al-jalali wal-ikram » et c'est la lecture d'Ibn Amir. Et c'est le nom d'Allah, c'est le nom lui-même. C'est le nom lui-même. Ceci est le nom lui-même qui se caractérise par la majesté et la munificence. Alors que dans la lecture de la majorité, on trouve Dhil Jalal. En d'autres mots, ces deux qualités se réfèrent à celui qui est nommé par cela. Si son nom est Dhul Jalali wal Ikram, il s'ensuit que le nommé détient lui-même ces deux attributs. Dès lors, il devient évident que la signification est qu'il mérite d'être vénéré et révéré. وبهذا ينتهي ما أردت إراده أو إراده في فقه أسماء الله الحسنى. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما يسر ومن لا أحصي ثناء عليه Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ainsi s'achève ou se termine ce que j'ai voulu mentionner. C'est ainsi que se termine ce que j'ai souhaité exprimer sur la compréhension et l'étude des noms sublimes d'Allah. Et toutes les louanges reviennent de droit à Allah, des louanges multiples, bonnes et bénies, tout comme Allah nous a facilité et nous a comblé de faveurs. Je ne saurais faire sa louange à sa juste valeur. Puis le Cheikh Abdelrazak Havidahullah a mentionné le verset 19 de Surat Al-Naml. Seigneur, permets-moi de rendre grâce des bienfaits dont tu nous as comblés. Ainsi, qu'à mes parents, fais que toutes mes actions te soient agréables et admets-moi par un effet de ta grâce parmi tes serviteurs vertueux. Exempt soit Allah de tout défaut. Toutes les louanges et les perfections lui reviennent de droit. J'atteste qu'il n'y a point de divinité réellement digne d'être adoré si ce n'est toi. Et je te demande pardon et me repens à toi. Qu'Allah soit bienfaisant et salue son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui le touche de sa compassion, ainsi que ses proches, ses suiveurs et ses compagnons. Par la grâce d'Allah azza wa jal, nous avons fini la lecture de cet excellent livre de Cheikh Abdelrazak, jazahullahu khayran wa jazallahu khayra ulama'ana. Puisse Allah Azza wa Jal combler nos savants de bien et les rétribuer avec largesse, que ce soit les anciens, que ce soit les contemporains. Puisse Allah Azza wa Jal unir leurs paroles sur la vérité et en faire des exemples pour leurs élèves et les membres de la communauté. C'est ainsi que se finit l'étude du livre Fiqhu Asma'illahi al-Husna ou Fiqhu al-Asma' al-Husna. Walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le connaître à travers l'étude de ses noms, à travers l'étude de ses attributs, et un bienfait inestimable, incommensurable. Et cela requiert de notre part une reconnaissance. Tu dois remercier Allah Azza wa Jal, celui qui t'a facilité ces assises. Car sans la grâce d'Allah et son assistance, tu n'aurais pu étudier un seul de ces noms. Tu n'aurais pas connu Allah. À l'image de celui qui est en dehors de l'islam et qui erre sur la terre d'Allah Azza wa Jal sans savoir pourquoi il a été créé, vers qui sera son retour et ce qu'il adviendra de lui. Mais toi, Allah Azza wa Jal, t'as choisi, t'as élu, t'as honoré. Il t'a permis d'aimer les assises de science de Ahli Sunnati wal Jama'a, d'apprendre ta religion. Et cette science, l'étude des noms d'Allah et sa connaissance, est la science la plus noble. Et il n'y a pas de vie paisible, de bonne vie, de bonheur possible dans ce bas monde, ni dans l'au-delà, si ce n'est en prenant Allah Azza wa Jal comme divinité unique, comme maître absolu, si ce n'est en passant par sa connaissance. Et c'est le plus grand bonheur par lequel Allah Azza wa Jal comble ses serviteurs dans ce bas monde. C'est de leur permettre de ressentir sa proximité, de lui obéir, de le connaître. Subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillahi rabbil alameen. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahi rabbil alameen. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous aider à être des serviteurs reconnaissants et de l'adorer en fonction de ces noms que nous avons étudiés. En fonction de ces noms que nous avons étudiés. Il convient de mettre ces cours au propre, de les résumer et de les lire régulièrement. Ceci étant dit, Inch'Allah ta'ala, nous allons étudier certains chapitres de fiqh à partir de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. En commençant par fiqh al-nikah, les règles relatives au mariage, les règles religieuses relatives au mariage en islam. Après cela, Inch'Allah ta'ala, fiqh al-talaq, les règles relatives, les règles religieuses relatives au divorce. Et après cela, Inch'Allah ta'ala, ahkamul janaiz, les règles des rites funéraires. Tout ce qui concerne les règles religieuses, à partir du moment où la personne est malade, jusqu'au moment où la personne est enterrée et que ses proches demandent, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui maintenant? Bi'idhnillahi azza wa jal, voici le programme. Au masjid, après l'asr, le vendredi. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. La session des cours d'arabe du mois d'août commence très prochainement. Celui qui souhaite apprendre à lire et à écrire, ou celui qui a un niveau au-dessus de cela qui souhaite s'inscrire, il vient ou il nous écrit, on lui transmet les informations. Jazakumullahu khayran wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dhal jalali wal ikram ya rabbal arsh al azim ya arhamar rahimin ya khayral khaliqi natawassalu ilayka bi asma'ika al husna bi an tudkhilana al jannah وأن تنجينا من النار وأن تشفي مرضانا رضا المسلمين وأن ترحمنا وأن ترحم آباءنا وأمهاتنا وأن تصلح زوجاتنا وذرياتنا. اللهم يا لطيف يا رحيم يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا غفور يا غفار يا ودود يا رب العالمين يا الله يا الله إنا نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن لا تميتنا إلا وأنت راض عنا وأن تميتنا على التوحيد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا معطي يا جواد يا كريم. اللهم أعطنا الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمهاتنا. اللهم اغفر لهن وارحمهن وارفع درجاتهن في الفردوس الأعلى من الجنة واجمعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأنك الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد يا ذا الجلال والإكرام أن تصلح أولادنا. اللهم أصلحهم. اللهم اهدهم. اللهم وفقهم لطاعتك. اللهم افتح عليهم أنت الفتاح العليم. اللهم ارزقهم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم يا حي يا قيوم نسألك بأنك الله الجلال ذو الجلال والإكرام وأنت على كل شيء قدير وأنت أكرم الأكرمين ولا إله إلا أنت أن تصلح زوجاتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك بهذه الساعات التي جلسناها في دراسة معرفتك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح وأن تتقبل منا يا شكور يا جواد يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.